Chapitre 15e. Voici ce qui s'est passé le mercredi 1er juillet au soir. Madame Kuntz a demandé à voir les parents de Camille pour leur parler d'elle. Marie Bréau, intelligente, se tient sur ses gardes. Elle sait que sa fille travaille bien et qu'elle a de bons résultats. Elle espère que la maîtresse veut les voir pour leur parler de l'avenir de leur fille et non pas d'autre chose. Camille aura-t-elle parlé? Son imbécile de mari ne se doute de rien, mais Marie craint le pire. Il pénètre dans le logement rue Kléber. « Entrez, je vous en prie. » Marie est très impressionnée par cette femme jeune, belle, indépendante. Elle a réussi tout ce que elle, Marie, a raté. Elle avait les capacités pour faire une maîtresse d'école, mais elle est là, penaude, sous le regard verbal de cette femme. Quant à son mari, il est aux anges, l'imbécile. « Je vous ai fait venir pour vous parler de Camille. D'abord pour vous féliciter. Votre fille travaille très bien et je suis très contente d'elle. Vous avez déjà pensé à son avenir ?»« Qu'entendez-vous par là ?» demande Marie. Camille pourra aller au cours complémentaire, sans problème, et présenter l'école normale ou un autre examen, à moins que vous ne vous y opposiez. Oh non, bien au contraire. J'ai toujours rêvé qu'elle ait un bon métier, plutôt que d'être femme au foyer. C'est bien joli ça, mais combien ça va nous coûter ? Demande Étienne Bréau. Que Camille s'en aille, ça ne fait pas ses affaires. Il s'est attaché à sa fille pour de multiples raisons. Elle peut passer l'examen des bourses, je suis sûr qu'elle le réussira. Après, à l'école normale, elle sera complètement prise en charge. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Moi, je suis d'accord, dit Marie, mais nous allons y réfléchir. Avec Camille, nous vous donnerons une réponse. Bien sûr, mais il faudra l'aider à la maison, continue Madame Kuntz. L'aider? Pour l'orthographe, je veux bien, mais pour le reste, s'interroge Marie. Non, vous ne m'avez pas bien comprise. Je veux dire l'aider par une atmosphère calme et affectueuse. Ce n'est pas la peine de la réprimander, elle travaille très bien toute seule. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demande Étienne. « Vous savez, puisqu'il faut tout vous dire, j'ai souvent marqué sur les bras et les jambes de Camille des marques qui ne sont pas faites par ses camarades. « Vous voulez dire que nous la battons ?»« C'est ça ?» demande Marie d'un ton sec. « Oui, c'est cela, Madame Bréau, j'en ai bien peur. »« Non mais de quel droit ? Ce qui se passe chez nous ne vous regarde pas, » s'insurge Marie. « Certes, mais je me dois de sauvegarder l'état mental et physique des élèves qui me sont confiés. Vous ne devez pas faire cela. » D'autant plus qu'elle ne le mérite pas. Nous sommes seuls juges de ce qu'elle mérite ou non, s'écrie Étienne. Pour ses études, continue la maîtresse, il serait bon aussi qu'elle passe de bonnes nuits, sans être dérangée. Vous me comprenez, dit-elle en regardant Étienne droit dans les yeux. Non mais là, c'est trop fort, qu'est-ce que vous insinuez par là? Beugle le père Bréau. Il réfléchit aussi vite qu'il peut. Camille a dû parler. Sa seule colère est déjà un aveu, il s'en aperçoit trop tard. « Je n'insinue rien, monsieur Bréau. Vous m'avez parfaitement comprise. C'est grave, c'est très grave. Vous ne vous rendez pas compte. » Étienne Bréau est déjà sur le palier. Il ne voit pas comment s'en sortir. Marie est partagée entre le scandale et la libération de sa fille. « Monsieur Bréau, si vous ne voulez pas comprendre, je me verrai dans l'obligation de faire une déposition à la gendarmerie. » Étienne est violet de colère. Il se sent acculé. « Vas-y, vas-y à la gendarmerie. Tu crois que tu me fais peur avec tes grands airs ?» vocifère-t-il. Je vous demande simplement d'arrêter. Étienne a saisi Madame Kuntz par les épaules, il la secoue en haut de l'escalier. Mais tu vas la fermer, dis ! Si jamais tu dis quelque chose, je te tue, tu entends ? Bréau lâche brusquement la maîtresse, très choquée. Laisse-la tranquille, imbécile. Allez, rentre à la maison et attends-moi. Et tais-toi, tu as compris ? Étienne partit, l'entretien se poursuit sur un ton très tendu. Au bout d'un moment, Marie s'énerve. Écoute l'instit. Moi, je te garantis que tu ne parleras pas. » D'une brusque poussée, Marie projette la maîtresse dans l'escalier, si fort que les deux pieds de Marceline décollent du sol. La maîtresse dévale les marches sans un cri. Au bas de l'escalier, son corps est inerte. La tête fait un drôle d'angle avec les épaules. Les yeux émeraudes sont ouverts sur le vide. « Maintenant, tu ne parleras plus. Voilà ce qu'on gagne à vouloir s'occuper des affaires des autres. J'aurais préféré que ce soit Étienne qui s'en charge, mais ce grand con est trop foireux pour le faire. » « Allez, viens, Camille, mon fils, on s'en va. » Il fait nuit. J'espère que les voisins n'ont rien entendu. Jeannot, l'employé de la mairie, ne devait découvrir le corps de Madame Kuntz que le vendredi matin 2 juillet. Depuis une semaine, le chagrin effectue une véritable transmutation chez Marie Bréau. La mort de sa fille a agi sur son cerveau comme un électrochoc. Elle a compris que jusque-là, sa vie s'était déroulée dans la soumission à l'homme, au plaisir, à la famille. Intelligente, elle aurait pu réussir sa vie dans une carrière quelconque, mais par besoin d'indépendance vis-à-vis de ses parents, elle avait épousé ce bon à rien d'Étienne. Dès lors, sa vie s'était partagée entre la cuisine, le lit, les casseroles, la lessive, les tétés, l'effacement derrière un homme qui pourtant sans elle aurait été incapable de faire quoi que ce soit. Petit à petit, elle s'est montrée de plus en plus exigeante avec sa fille, ne voulant pas qu'elle ait la même vie qu'elle. Certes, Camille avait des résultats et de plus, elle était belle comme le jour. Mais Marie n'avait pas compris que l'amour et les encouragements valaient mieux qu'une attitude rigide et inflexible. Au lieu de devenir l'alliée de sa fille, sa propre souffrance l'avait transformée en matronat cariâtre. Elle s'était peu à peu détachée des choses de l'amour, malgré quelques tentatives buissonnières qui lui avaient laissé un goût amer. Elle s'était aussi rendue compte qu'elle avait tué la maîtresse autant par dépit que par jalousie. Pour elle, Madame Kuntz avait réussi sa vie. Elle avait su capter l'admiration et l'affection de sa fille, toute chose qu'elle, Marie, n'avait pas su faire. Elle a donc décidé d'en finir également avec la gente masculine Oni. Elle va en premier s'attaquer à ceux qui ont voulu du mal à sa fille. Ce port de Marcel Agnel est le premier sur la liste. Ce mercredi matin, 7 juillet, elle a décidé de rôder autour de leur ferme en attendant qu'une occasion se présente. Son déjeuner est déjà prêt. Elle n'aura qu'à le faire réchauffer et n'a pas besoin de rentrer avant midi. Marcel Agnel passe la grille en fer rouillé de la ferme et coupe à travers champs vers le couvert des haies. De loin, elle le suit en prenant ses précautions. Marcel se rend au bord du canal d'irrigation bordé par des fourrés. Elle s'y tapit rapidement pour le regarder faire. Au moment où elle entrevoit une opportunité, un autre homme arrive, c'est Maxime, le frère. Elle l'a vu faire, haletante, et son esprit balance entre la frustration et la satisfaction. En attendant de pouvoir s'éclipser, elle s'interroge au sujet de ce Maxime. De quel côté le ranger? Ami ou ennemi? Que devait-il faire avec Camille? Même si la gosse avait pu être consentante, est-ce qu'il en avait profité? De toute façon, les hommes sont tous pareils, et ils ne valent pas plus cher les uns que les autres.